Metal Express avec Eric. Auditeurs de Radio Heavy Metal, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver donc comme chaque lundi de 19h à 21h, c'est le Metal Express, donc on est ensemble 2h avec pas mal de nouveautés comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Vous avez été encore très nombreux donc la semaine dernière à écouter ce spécial Metal 80 et je vous en remercie. J'ai reçu également pas mal de messages, continuez. Et puis, je répondrai à tout le monde, ça me fait énormément plaisir de recevoir tous ces messages. Radio Heavy Metal, je vous rappelle, c'est le https://radioheavymetal.site. Nous avons également nos applications pour nous écouter sur votre téléphone ou bien sur votre tablette tactile. Il y a donc le Google Play ou bien Apple Store. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook, Instagram et puis Twitter. Nous avons des partenariats radio. Il y a Radio Fréquence Zik and the Spirits et puis Canal Fuzz Radio. Et puis dans quelques semaines, il y aura une autre radio qui diffusera donc ce Metal Express. Donc c'est pas formidable ça ? Ce qui prouve que le Metal Express fonctionne très bien. Nous avons également les partenariats CD. Il y a Inverse Records, Duet Agency, Kebrass Records, Eli Promotion, Kebar Promotion, et puis également Inferno Records. Voilà, on va commencer avec un groupe américain au nom de Snipers of Bubble et ce morceau s'intitule The 25 Parallel. Allez, bonne écoute dans ce Metal Express, on est ensemble donc jusqu'à 21h. Le groupe est américain, il s'appelle Snipers of Bubble. Et le morceau qu'on vient d'écouter, The Sweating Five Parallel. Voici un groupe américain au nom de Texas Metal Outlaws. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Black and Green. Le groupe s'appelle Texas Metal Outlaws et le morceau qu'on a écouté à l'instant, ça s'appelle Black and Green. Voici maintenant Massive Scar Era avec le morceau Rogue. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, voici un groupe strasbourgeois où j'ai eu du mal. 16 Cat, ça s'appelle Rock'n'Roll USA. We'll be right back. Voilà, le groupe s'appelle 16 Cat avec le morceau Rock'n'Roll USA. Ils ont une page Facebook, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis ils sont distribués en maison de disques, le label Kebras Records. Allez, voici Colin White, You Pride. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Graveyard Prawns Free. Bonne écoute! What do you see? The boys I was so friendly. Most of Joe I tucked inside. I closed my eyes and became a we'll Il s'appelle Collide White You Breed. Ils sont français, donc ils nous viennent de Bourges. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Grave Hard Proms Free. Voici maintenant Technical Damage. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Crystal Angels. Challenge, I'm caught there, that breeze condemned. Voilà, donc le groupe s'appelle le Technical Damnage et puis le morceau s'intitule Crystal Angels. Voici maintenant Killing Tyranny et ce morceau s'intitule Dark Eyes et c'est extrait d'un single, extrait d'ailleurs de leur nouveau single. Looking ahead, we find no chance for peace of mind. Dark shadows overcast. You show the looking glass, and I feel that time is running out. No doubt. Radio Heavy Metal. Et oui, c'est une découverte dont ce groupe s'appelle Ignis Tellus. J'ai été les voir hier soir donc à Fécamp au Loc. C'est un groupe de black metal et je vais vous faire découvrir ce groupe. Il est excellent. Pour le moment, ils ont encore rien sorti, mais bon, j'ai pu la chance de les voir et puis enregistrer ces morceaux. On va écouter donc un premier titre. Hey. Voilà donc le groupe est normand. Il s'appelle Ignis Tellus, donc un excellent groupe de black metal. Et ils vont sortir donc quelque chose dans peu de temps, puisque j'ai eu la chance de discuter avec le chanteur. Donc c'est à suivre. Ils ont une page Facebook. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Le groupe s'appelle Ignis Tellus. Voici maintenant Libidity. Ça s'appelle Petit Hold. Voilà, donc ce groupe s'appelle Libidity et ce morceau donc s'intitule Petit Hard. Je rectifie donc ce titre que j'ai dit au début. Voici maintenant un groupe qui s'appelle Oberkopf et ce morceau s'appelle Couleur sur Paris. Bonne écoute! Des mecs, des gros et des grands. Imagine un peu la gueule de ton père. Ah, si ces messieurs avaient des cheveux verts. Si ces messieurs avaient des cheveux verts. Couleur sur Paris, na na na. Il est temps de changer, na na na na. Couleur sur Paris, na na na. Il est temps de changer, na na na na. Les dieux bobos qui est triste à tuer. Prends des bombes de peinture et bombes douces. Écris ce que tu penses sur les murs. Écris ce que tu penses sur les murs. Que laisse parer, na na na. Il est temps de changer. Oh, Oberkampf avec le morceau Couleur sur Paris. Donc, vous trouvez ça chez Kebras Records. Allez, tout de suite un jingle. C'est une nouveauté et elle est déjà chez nous. Et elle est déjà chez nous. Mais oui, elle est déjà chez nous. Voici le groupe Purge of Sanity. Cet extrait donc de leur nouveau single et ça s'appelle We Are. Right. ce jeune groupe pardon, qui s'appelle Purge of Sanity. Ils sont nantais. Ils avaient fait déjà un premier single au nom de Exilent Theory qui avait cartonné. Et puis là, un nouveau single donc avec We War. Et franchement, il est excellent et ça va encore cartonner. Donc ils ont une page Facebook. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Voici maintenant Daiso Fried et puis on écoute le morceau Sultan Suite. Allez, voici Abstract Manor et ça s'appelle Predator. Bonne écoute! I Ce groupe s'appelle Abstract Manor et le morceau s'intitule Predator. Après ce groupe, dont on va retrouver un groupe fécampois, il s'appelle Agiro, connu donc, puisque je les passe souvent. On va écouter donc Dance With My Shadow, cet extrait dont une nouvelle vidéo qui vient de sortir, et on écoute donc ce morceau Dance With My Shadow. Allez, ça s'appelle le groupe Agiro. Allez, j'ai un EP à faire gagner du groupe Agiro. C'est très simple, vous me donnez le nom de ce EP. Vous allez sur la page Messenger, Eric Seri, j'ai du mal, j'ai un retour. Eric Seri, vous me donnez donc ce nom du EP du groupe Agiro et le CD est à vous. Your turn to be crowned. Le groupe fait campois à Giro, donc, avec Dance Witch Machado, cet extrait dont le EP qui est sorti le 18 mai. Et donc, ils seront en concert le 21 décembre à la Salle de l'Union à Fécamp. Donc, ceux qui habitent dans la région normande, eh bien, il faut venir, c'est un excellent groupe. Voilà ici maintenant Wesp, et ça s'appelle Wu Wei A War. We tasted death. We drank a blood. We fell in love once. Shame ran through our hands. Stumbling over a wandering dark. We seem so alike. We are staring at this sound. Ce groupe s'appelle Wisp et le morceau qu'on a écouté s'appelle We Were War. Voici maintenant un artiste avec qui j'avais promis que je passerais son morceau. Il s'appelle donc... j'ai même plus le nom. Oui, il s'appelle Chris Adam, pardon. Et le morceau s'appelle Laissez-moi vivre. Je ne serai jamais soumis à toutes ces lois, à un pays. Je trace ma route comme j'ai envie. Le poing serré, cherche pas d'ennui. Père d'un enfant et divorcé, je laisserai aucun jugement l'enlever. Je suis juste artiste, pas criminel. Hashtag rebelle, je vous mets en garde. Provoquez pas les temps. Seule loi, vous n'aurez jamais ma peau, n'est pas à vendre. Bonne chance à qui veut la prendre, qui veut la prendre. Laissez-moi vivre, vous n'aurez jamais ma peau. Laissez-moi vivre, je n'ai que faire de vos échos. Cet artiste donc a une page Facebook, il s'appelle Chris Adam, et puis vous pouvez aller voir ça sur Facebook, il a sorti un album. Donc je vous propose maintenant Tarabou, et ce morceau s'intitule Number Killer. Wondering if you had a moment of humanity before you decided to blow yourself up. I can't stop imagining, and I don't believe that you didn't see it. Those new angels having a good time. Smiling, laughing, dancing, loving. Smiling, laughing, dancing. Tarabou avec Number Killer. Voici maintenant Zalotri et ça s'appelle Primals Venatoris. Ils sont originaires de Boston, donc le groupe s'appelle Zero Tree et ce morceau s'appelle Primals Venatoris. Ils ont une page Facebook et puis vous pouvez également les écouter sur Bandcamp. Salut, nous sommes Assassins de l'Allemagne et vous écoutez un Metal Express de Radio Heavy Metal 100% Metal. Eh ouais, 100% métal, voici Black Juju Inc. Et ce morceau s'appelle Gun. Bonne écoute! Sure, we really. Black Dude Inc. avec Gun. Donc ils ont une page Facebook. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Allez, je vous propose maintenant Easy. Et ce morceau s'intitule Deep Reasons. Je vous rappelle qu'ils sont du nord de Cambrai. Le groupe s'appelle Easy et ce morceau s'intitule Deep Reasons. Ils ont une page Facebook, je vous rappelle. Easy, ta radio revient juste après ça. Juste après ça. Oui, on met un jingle et au moment où je parle, ben c'est pas trop cool. Je disais donc que le groupe s'appelle Easy Rock Band. Ils ont une page Facebook. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Ils font du rock et un mélange de hard rock. C'est excellent. Ils viennent de Cambrai, donc. Et puis, ils ont sorti ce fameux EP. 4 titres. Si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à les contacter sur leur page Facebook. Allez, voici maintenant le fameux jingle qui m'a coupé la parole. Ta radio revient juste après ça. Juste après ça. Tu as un groupe de métal ? T'aimerais qu'il soit diffusé ? Pour sa contact radio et V-Metal sur Facebook. Ah oui, rien de plus simple. Donc vous nous contactez sur la page Facebook Radio Heavy Metal ou bien sur la boîte mail que je vous donne, c'est radioheavymetal76@gmail.com. Allez, voici maintenant Dee Snider, ça s'appelle Roll Over You. Bonne écoute dans le Metal Express. Je vous rappelle que c'est Rick avec vous jusqu'à 21h et vous écoutez Radio Heavy Metal, Radio Fréquence Zik, Indie Spirits et Canal Fuzz Radio. Monsieur Dee Snider avec Rock Over You, donc cet extrait de son nouvel album qui s'appelle For the Love of Metal. L'album est excellent. Je vous propose maintenant Testament et s'appelle The Number Game. Bonne écoute! « À l'instant, dans le Metal Express, le groupe Testament avec The Number Game. Allez, il nous reste à peine 11 minutes. Voici Creeping Flesh. Ça s'appelle Kill Count. Le groupe s'appelle Creeping Flesh avec Kill Count. Je vous propose Flayed avec Middle Age. Ils ont une page Facebook. C'est un groupe français, donc on écoute ça. Come see yourself drown the loom like the others. Le groupe s'appelle Flayed et le morceau qu'on a écouté s'appelle Middle Age. Ils ont une page Facebook, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voici un groupe français aussi, s'appelle Sense of Mary. Ce morceau s'intitule Here Comes the Night. Bonne écoute! Et oui, malheureusement, j'ai dû couper puisqu'il va y avoir une émission derrière et il faut pas que je déborde. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc 19h-21h. N'oubliez pas que cette émission donc sera rediffusée, c'est-à-dire dimanche sur Radio Fréquence Zik. De 21h à 23h, également mercredi de 22h à minuit. Et puis elle sera diffusée demain sur Canal Fuzz Radio de 20h à 22h. Le podcast, ce sera pour demain matin, voire demain soir, sur la page Facebook Radio Heavy Metal et du Metal Express. Si vous avez envie de m'écrire, c'est très simple. Il y a la boîte mail, c'est radioheavymetal76@gmail.com. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à lundi prochain. Allez, ciao !